On va parler d'NBA avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny, comment ça Ça va? va bien, ça va bien. Il fait pas chaud, fait que ça c'est dans le pied de l'hiver, quoi que. Hey, Bénédicte Mathurin, on va se réchauffer un peu, qui joue pour l'Arizona, cinquième meilleur espoir. Il monte encore, il monte encore. Ben écoute, il connaît tellement une bonne saison, là. Ouais. T'es-tu là? C'est un jeu. Oui, ben oui. Ouais. Je l'allais justement sur le site pendant que tu me parlais, c'est pour ça. NBADraft.net, cinquième meilleur prospect. Hey, écoute, tu peux monter, il va monter. Il veut pas, il va pas, il veut... Une bonne performance au March Madness, c'est pas impossible qu'il monte dans le top 3. Ben écoute, je pense qu'en ce moment, Parce c'est qu'Arizona, une je bonne pense, sont performance. C'est dans pas la nécessairement cote. que l'équipe a gagné ou non, là, tu veux dire, Ouais. mais c'est vraiment intéressant, là. Il est vraiment rendu, il est après se positionner, là. Parce que ce qu'on aime de lui, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes NBA, d'après moi, qui le voient comme un très bon défenseur, un super athlète, un joueur qui peut jouer en position numéro 2, qui probablement est capable de jouer en 1 aussi. Tu sais, fait que, à sa grandeur, tu sais, on le met à 6-7, là. C'est assez intéressant, mon ami. Fait que, écoute, on est Est-ce super content que. Puis le fait qu'il joue dans une division forte, parce que Pac-12, c'est fort, là, le Pac-12. Avec UCLA là-dedans également. Je pense que. Californie est assez fort aussi, je pense. là. Ouais. Fait Non, que. non, mais écoute, l'équipe est top. Ouais. Elle est dans les tops de la NCAA, top 25. Fait que, écoute, Ouais. c'est Ok. pour pas se faire d'illusions, c'est un jeune. Comme qu'on a mentionné, là, je m'attends pas à ce qu'il descende. T'sais, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut passer avec les autres joueurs. Mais je pense qu'il a démontré tout. T'sais, quand tu passes presque toute l'année en 6, 7, 8e, il y a des bonnes chances que ce soit dans ce coin-là qu'il soit repêché. Puis le futur pour lui est vraiment, vraiment beau, là. OK. On va parler des Lakers. Magic Johnson, qui a fait une sortie, je sais pas si on a entendu parler un petit peu, Bien sûr. sur les médias sociaux. Magic, écoute, c'est Monsieur Lakers avec probablement avec Jerry West et Karen. Même c'est plus fort qu'Abdul-Jabbar parce que lui, il a passé sa vie avec les Lakers. Donc c'est Monsieur Lakers. C'est la même affaire que Kobe Bryant également. Donc qu'est-ce que tu penses de cette sortie-là? Parce que ça va pas bien, Lakers. Je Ben, pense qu'ils ont encore je perdu pense hier. que il a le droit, ils ont perdu contre les Pacers hier. Ils ont le Ouais. droit. Magic a définitivement le droit à son opinion. Puis je pense que les joueurs, il y avait un manque. Il y a quelque chose de bizarre avec les Lakers, Danny. J'ai toujours suivi LeBron. Il y a un manque de compréhension d'équipe. On joue des fois à droite, on joue pas des fois à droite. On joue LeBron en position 5. On dirait qu'on se cherche du côté de Los Angeles. On cherche un groupe qui va bien fonctionner. Mettons un 5 partant. Après ça, c'est quoi les trois autres ou quatrième autres joueurs du banc? Tu veux Ben, dire? c'est une équipe Puis vieillissante, d'une souvent. part. Ah ben moi. Vieillissante Pas avec un vraiment. gros Pas, ego. non, mais pas vraiment, parce que si on prend Taylor Horton, si on prend Avery Bradley, si on prend Malik Monk, tu sais, oui, Trevor Ariza, qui n'est pas vraiment un gros facteur. Le reste, écoute, LeBron, parlons pas de vieillissant, là, le gars, il a fait 6-7 matchs de 30 points et plus cette saison. Fait qu'on ne parle pas de ça, là. Je pense que l'équipe n'a pas bien été construite, Danny. Je pense que Russell Westbrook n'était pas la solution. Je pense qu'on s'est trompé là. Puis, si tu regardes les meilleurs clubs en ce moment, que ce soit les Bucks de Milwaukee, que ce soit les Nets de New Jersey, tu as besoin d'un vrai bon meneur. Tu comprends ce que je veux dire par là? Puis, tu sais, Warriors avec Steph Curry, Kyrie Irving avec les Nets qui jouent, si c'est pas Kyrie Irving, c'est James Harden vraiment qui est le point guard de cette équipe-là. Tu as besoin d'avoir un bon meneur. Puis, en ce moment, Russell Westbrook n'a jamais démontré qu'il était ce meneur-là. Il est capable de faire des affaires spectaculaires. Mais c'est pas vraiment. Moi, je pense que l'erreur a été de tout donner à Russell Westbrook en pensant que ça ferait la différence. T'sais, il y a une chose, il y a deux points rapides. Anthony Davis n'est pas là. Ouais, ça aide pas non plus, On mais ne c'est peut un des pas juger cinq cette meilleurs, un des équipe-là top sans 10 de la Anthony Davis. NBA. C'est un des Ben, je top. pense que oui. Je le mets plus top 5, mais je le mets top 10 facilement. Ouais. Fait que c'est sûr que là, si on prend l'équipe qu'ils ont avec un Anthony Davis, il y a peut-être des matchs qui auraient pu gagner. Puis le commentaire de Magic Johnson, Danny, avait plus rapport avec. C'est comme s'ils ont arrêté de jouer au basket. Ils ont perdu par 25-30 points. Ils menaient dans le match encore. Tu perds contre Sacramento. T'as aucune raison. Ça n'a aucun sens. Tu sais, il y a un manque d'effort à part ça. Le seul joueur qu'on voit qui travaille fort vraiment, c'est LeBron. Westbrook, on se pose des questions, mais il y a des moi, je pense que la prochaine personne qu'on va vraiment questionner, c'est l'entraîneur-chef. OK. Il y a une bonne relation qu'il dit avec le management, mais quand Magic fait des commentaires, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Magic Johnson est très, très près. C'est comme Jenny Boss, la propriétaire, c'est comme sa grande sœur. Tu veux dire? Frank Vogel, c'est-tu vraiment un entraîneur pour le marché des Lakers? C'est les Lakers, c'est les Yankees, c'est les Clippers. Moi, je regarde ce qu'ils font depuis le début de l'année. Puis honnêtement, Danny, je comprends pas ce que les entraîneurs font. Je comprends pas. Ouais. Je comprends pas. T'as Dwight Howard puis DeAndre Jordan, puis ils jouent pas. Ils sont pas blessés, ils sont pas COVID, ils sont assez. Ben, si, échange-les d'abord. Ouais. Comprends-tu? Va chercher un shooter. Va chercher du monde. Tu sais, il y a des matchs que je regarde, là, puis c'est l'équipe que je regarde le plus, Danny, cette année. Je ne comprends pas ce qu'ils font. OK. Puis, tu vois la frustration avec LeBron James. Russell Westbrook, c'était pas le joueur. C'était pas lui. On pensait que c'était lui, mais ce n'était pas lui. Hmm. OK. Donc, écoute, j'ai hâte de voir, mais Vogel, il me semble que ce n'est pas un entraîneur pour les Lakers. Je ne sais pas. Il a connu des bonnes années. C'est dur pour moi critiquer un entraîneur parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. OK, ouais. Danny? Mais c'est quand même quelqu'un qui a amené les Pacers à des saisons de 45-50 victoires, qui jouait contre le Heat de Miami quand LeBron était à Miami, au match numéro 7. Tu veux dire, fait que c'est qui l'entraîneur qui ferait la différence? À quelque part, des fois, est-ce que Tyronn Lue, à sa première année, il gagne le championnat NBA? Est-ce que c'est vraiment le meilleur entraîneur de la NBA? C'est être à bonne place au bon moment. Là. Nick Nurse est arrivé, puis on était chercher Kawhi. C'est-tu Nick Nurse la différence ou c'est Kawhi Leonard? Nick Nurse n'a jamais gagné sans Kawhi, puis il gagnera peut-être jamais depuis que Kawhi est parti. Fait que, tu sais, des fois, c'est dur. Des fois, ça prend un mélange de tout ce monde-là. Puis à Los Angeles, en ce moment, je pense que, avant de dire quoi que ce soit, Danny, j'ai hâte de voir. J'espère le retour d'Anthony Davis avant la fin. Puis est-ce que ça va changer? T'sais, ils peuvent quand même finir cinquième. Si on regarde les statistiques, là, tout le monde est à 22-23 de victoire, entre la cinquième place et la dixième place. Là. Mais il faut qu'ils arrêtent de perdre contre justement un article de Basketball USA. Là. On dit que le sort de Vogel va être de match en match. Donc, je pense qu'on va pas se débarrasser de Vogel tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas 3, 4 ou 5 ou 6 matchs avec Anthony Davis. Okay. Parce que c'est dur de dire que notre entraîneur, il a quand même gagné un championnat NBA avec LeBron et Davis dans la bubble. Il est venu à Los Angeles, il a gagné un championnat NBA comme entraîneur. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui faisaient dire qu'ils ont gagné un championnat NBA. Là. Tu comprends ce que je veux dire par là? Ouais. Et quand tu as les Celtics, le Red Auerbach puis Bill Russell qui en ont 11, puis après ça, t'as Phil Jackson qui en a 11, tu veux dire, fait que sur 50 ans, t'as deux gars qui en ont 22 championnats, tu veux dire? Ouais. Fait que Frank Vogel a quand même il a été capable d'emmener cette équipe-là à un championnat NBA, le championnat de LeBron à Los Angeles. Fait que maintenant, tu peux pas évaluer Frank Vogel tant que t'as pas Anthony Davis. Effectivement. Donc, on va y aller maintenant avec les Raptors. C'est quand même. Ils ont perdu hier à Dallas. C'est quand même. Ils ont connu quand même une séquence, mais ça va être ça, les Raptors. 4-5 victoires de fil, 3-4 défaites de fil, 3-4, 4-5, ça va être ça, à peu près. Ça va se battre pour. Comme tu as dit, ils sont 6-4 dans leurs 10 derniers matchs. C'est pas mauvais, ils sont 10e, 21-21. Je pense que c'est une équipe qui pourrait finir en, je dirais, 7e puis 10e place. Ils sont vraiment là. J'espère que Toronto va faire les séries quand même, là, mais. C'est les top 10 maintenant parce qu'il y a un genre de petit tournoi. Oui, c'est ça. Mais comme je te dis, je m'attends de voir des échanges à Toronto. Okay. Que ce soit Siakam, que ce soit Adunobi, je m'attends à voir. Il y a des rumeurs que Gary Trent l'autre fois avec les Lakers également. Oui. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais là, c'est le temps des rumeurs, hein, Danny. C'est au début février, là, les échanges. Ouais. Il va se passer des choses. OK. Pascal, en terminant, je regarde ça un petit peu. Xavier Moon, qui est le meilleur joueur de la CBL depuis 2 ans, est actuellement avec les Clippers. Et il y a deux matchs que j'ai vu au point passé, deux matchs de 10 points, 10-12 points. Ça veut dire que c'est quand même pas si pire. C'est pas quand même pas si pire, hein? Ça te demande à quelque part que le talent est quand même pas mauvais. Oui. Non, mais tu l'as dit. Là, fait que ça, c'est bon. c'est un positif pour cette ligue-là. Ouais. Justement, d'avoir un joueur. Écoute, quand tu vas sur le site des Clippers, ils n'ont même pas de photo de lui, tellement il n'est pas connu. Tu sais, Mohawk State, c'est quand même un gars qui, je pense, qui est rendu à 27 ans. Là, fait que c'est un joueur qui a roulé il a pris ses bagages, il s'est promené d'équipe en équipe, mais ça démontre que d'avoir joué dans la CEBL, ça ne l'a pas nuit. Tu comprends-tu? Non, c'est fait que ça veut dire qu'il y a des joueurs qui vont quand même prendre ce chemin-là pour espérer faire la NBA ou se faire voir. Ben, il y en a 4-5 que j'ai vu. C'est un gros pot. Ouais, c'est ça. Des joueurs qui ont joué dans la CEBL puis qui ont joué dans. Ben oui, fait que c'est très, très positif, ça, Danny. Oui, effectivement. Pour cette ligue-là. Effectivement. Pascal, on s'en reparle bientôt. Tu es en deux breaks. Donc, ouais, exactement. Bon retour. Ça me fait plaisir, Danny. Notre ami Pascal, bye bye, à bientôt.